Chapitre 20. Or, il les saluait à leur départ, mais il découvrit à quelque distance, et qui venait à grands pas, une troupe de forcenés. Jean la menait. Jean, qui pour avoir prophétisé que le monde n'était pas à l'article de la mort, était promu grand homme. Le frère Simon s'embronchait, très ému néanmoins, attendit les furieux. Quand ils arrivèrent, il leur demanda « Que voulez-vous » Les cris les plus divers lui répondirent « Nos richesses !» Ma Vénus d'ivoire et d'or, mes coffres, ma vaisselle d'argent, mon beau manteau de brocart et d'hermine. » Jean criait plus fort que les autres. Et la tête de l'imposteur qui a lancé le mensonge du dernier jour afin de chaparder aux alentours les trésors des riches et le menu avoir des pauvres. À la potence, l'imposteur, ou au billot. Les compagnons de Jean répétaient à qui mieux. À la potence, ou au billot. Le frère Siméon put glisser parmi les vociférations ces mots. On vous rendra vos biens. Cette promesse apaisa quelques furieux. Mais Jean reprit. « D'abord, livrez-nous l'imposteur. » Le frère Siméon lui dit gentiment. « Michel te sera bientôt rendu. » Jean, très vilainement, fit un geste de mépris. « Ah, Michel, gardez-la. Je ne suis pas amant de nonne. Et Catin me plaît davantage. Saute, Catin, ma belle et douce. » Le frère Siméon n'avait pas vu que cette fille accompagnait Jean. Mais Jean la prit par les mains, la fit sauter, rit de ce qu'elle fut légère, et elle rit de la sentir fort. Elle lui mit au cou ses deux bras et le baisa aux lèvres, avec une ardeur mécéante. Soudain, Jean tressaillit, se dégagea, eut les yeux fixes. Michel, qui sortait de l'église, traversait la cour et venait lentement, seule, petite et gentille. Jean tourna les talons, et la belle fille au bras se sauva. Michel, qui le vit partir, continua de venir. Le frère Siméon hésita s'il ne devait aller au-devant d'elle, mais on le houspillait. « Mes coffres, mon argent !» Plus vite que ça! Il emmena les énergumènes aux caves et en divers lieux où l'on avait rangé les donations fallacieuses. Les gens qui n'ayant rien donné n'osaient rien réclamer, puis les gens qui n'auraient eu à réclamer que les parchemins de l'orgueil et de la cupidité, brûlés tout cela, restèrent dans la cour. Le dépit les rendit les plus mauvais. Ils déblatéraient contre le prieur, calculateur de malencontre et qui, méjugeant de la divine patience, avait condamné le monde à périr. Pour le voler! Les quolibets devenaient menaces, Michel dit. Laissez le prieur, il n'a point menti. Un farceur demanda si le monde avait fini, peut-être, sans qu'on s'en aperçût. Oui, répondit hardiment Michel. On trouva l'audace un peu vive. Cependant, Michel, qui avait l'énergie de la douceur et du chagrin, continua. Mais oui, le monde a fini tout à l'heure. Et comment n'aurait-il pas fini tout à l'heure? Car il finit à chaque instant de tous les jours et de toutes les nuits. On l'écoutait avec surprise. On l'écoutait sans crédulité. Mais on l'écoutait. « Oui, reprit-elle, et il n'est point ici-bas un instant où ne meurt l'univers. Vous n'avez pas vu deux fois le même univers. Il n'est pas un instant ici-bas où ne meurt ce que vous aimiez, où ne meurt aussi votre amour. Mais vous êtes si futile que vous ne le remarquez pas. Il y a cet accord entre le monde qui meurt et vos âmes futiles. Nous devrions ne pas quitter le deuil de nous-mêmes. » Elle ajouta, « Seule n'est pas mourante incessamment l'éternité. » Elle parlait encore. Les gens peu à peu s'en allaient. Qui ne le comprenait pas, la croyait folle et pourtant n'avait point envie de la railler, parce que ses paroles, même étranges et mal intelligibles, répandaient aux alentours une tristesse à la fois importune et imposante. Une petite fille s'attardait auprès de Michel, et Michel dit à cette petite fille, « Tu n'as pas vu finir le monde, mais tu as vu finir un jour. Et regarde un instant, vient de finir, un instant qui était une brève image de la durée. » La petite fille eut peur et se sauva. Michel lui dit à tous ceux qui s'éloignaient, dit avec un triste sourire, « Au revoir !» La cour était déserte. Michel pleura silencieusement. Elle ne bougeait pas. Elle avait l'air d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Mais elle n'attendait rien ni personne. Un gémissement l'avertit qu'elle n'était pas seule dans la cour qui semblait déserte. Elle découvrit, accouflée à la même place que la veille, l'invalide sans béquille. Elle courut à lui, l'aida, le mit debout, le mena au village. Et puis alla s'enfermer dans un couvent de femmes, où, avant de mourir, elle rêva longtemps aux jeux d'hiver de nos fugitives journées et de l'éternité immobile.